DevOps. DevOps, le magazine et observatoire du DevOps. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 8e numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, il sera assez en lien avec le dernier numéro puisque celui d'avant on parlait de Dot Conferences et là on est une semaine après les Dot Scale et donc on va parler de ce qu'on a pu retenir du Dot Scale. Avant ça, je vais présenter toutes les personnes qui sont autour de la table. Donc on est un petit comité cette fois. On a Xavier. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je peux me représenter succinctement. Donc, je suis SRE chez Le Bon Coin et je travaille essentiellement avec l'équipe Data Engineering. Très bien. Et à ma droite, on a Barthélémy. Bonsoir. Et vas-y. Alors, moi, je suis SRE chez Criteo. Ça me revient. C'est Criteo aujourd'hui. Ah là là, ouais. Je suis en week-end. Voilà. Donc on va parler, on a un programme voilà, orienté sur le Dot Scale, en tout cas pour une partie. Je tenais d'abord à m'excuser parce qu'on a, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de numéro de DevOps. En fait, on a eu pas mal de soucis et donc même le speaker qui devait venir est même tombé malade alors qu'il devait venir. Donc maintenant, il s'est remis, donc tant mieux. Mais promis, on va en refaire, on va essayer de garder un rythme plus soutenu. Donc, on va peut-être commencer d'abord par des petites news, parce qu'il y a eu quand même quelques événements qui se sont passés ces dernières semaines. Promis, on ne parle pas de RGPD, parce que tout le monde a déjà parlé de RGPD et que je pense que tout le monde en a marre. Notre boîte mail est sursaturée, alors même que ça doit nous éviter des spams et des newsletters et des mailing lists quelconques. Mais il y a peut-être une news qui est très intéressante dans notre secteur, enfin intéressante dans le sens où ça change un peu les cartes, c'est le rachat de GitHub par Microsoft qui a été annoncé donc lundi cette semaine. Et voilà, enfin donc pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars. Voilà, de dollars. Enfin alors c'est en actions. Faut pas oublier ça. C'est 7,5 milliards de dollars en actions Microsoft. Et comme l'action Microsoft a pas mal augmenté, bah c'est peut-être ça aussi qui leur permet de s'acheter autant. Et d'ailleurs justement, voilà, j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus, enfin votre ressenti, parce qu'on a vu pas mal de gens qui étaient pas très. Bah mon ressenti à moi, c'est que comme souvent Microsoft a encore un petit peu de temps à autre une image négative. Merci Steve Ballmer. Et que donc beaucoup de personnes ont un peu eu peur et se disent que va devenir GitHub, sachant que c'est un petit peu justement the place to be pour tous les codes open source et que ça a participé fondamentalement au développement du DevOps et du web depuis ces 10 dernières années. Par contre, ce qui est quand même cool, c'est que si on regarde d'un peu plus près, on sait quand même que Microsoft a aussi entamé un virage à 180 degrés dans sa manière d'approcher, de collaborer avec l'open source. Il y a même maintenant, c'est Microsoft Love Linux, VS Code, Azure, enfin ils sont vraiment radicalement changés. Donc je suis plutôt serein. Ouais, je rejoins cette analyse. La levée de bouclier, elle n'est pas forcément justifiée. Elle fait rigoler sur Internet parce que ça lève des mèmes, ça lève voilà, des screenshots où on voit GitHub dans Windows XP qui sont toujours qui font sourire un petit peu. Mais dans l'ensemble, on voit que les derniers rachats se sont plutôt bien passés. Ils achètent une communauté, ils achètent une image. Un peu à l'image, comme j'avais dit en privé à Guillaume, un peu à l'image de ce qu'ils avaient fait avec Minecraft au niveau du Xbox Live. Moi, pour moi, c'est y a rien de négatif. Je pense que GitHub vont continuer à faire des bons produits, à faire des bonnes intégrations et ils vont pas forcément perdre. Enfin, la communauté va pas perdre au change. Je pense qu'elle va pas perdre, elle va pas gagner, ça va continuer comme c'est. Il va y avoir une intégration plus fine, je pense, avec les outils Microsoft, qui va être fait au niveau des produits d'entreprise, mais c'est tout. Après, peut-être qu'il y a un master plan qu'on connaît pas de la part de Microsoft, mais je pense pas. Oui, enfin, sachant qu'en plus, l'intégration, enfin, elle sera vraiment effective qu'en fin d'année. Faut pas oublier ça. Donc là, tout ce qui va se passer ces prochains mois, clairement, Microsoft a pas la main dessus. C'est vraiment encore les créateurs de GitHub qui sont dessus. Enfin, moi, je trouve que, enfin, personnellement, en tout cas, ça me gêne pas. Je sais que, enfin, j'ai été dans la communauté open source depuis vraiment très longtemps. Et c'est vrai qu'au début, Microsoft, enfin, t'as rappelé Steve Ballmer. C'est vraiment ça. Il y avait une image dans l'open source vraiment très mauvaise du cancer Linux comme un cancer de l'informatique. Et non, là, on a un move qui est assez intéressant. Et puis, enfin, c'est quelque chose qu'on avait déjà entamé pour ceux qui écoutent souvent, enfin, aussi le Dans ton cube. Et promis aussi, on fera de prochains numéros. Voilà, petit aparté. Et on a vraiment Microsoft qui a investi énormément dans l'open source. T'as cité VS Code, Kubernetes. Enfin, vraiment, il y a un investissement qui est très, très fort. Et Azure a un énorme, a contribué à cette modification de la pensée et de, en tout cas, chez Microsoft. Ouais, et puis bon, ils ressortent le graphe un petit peu à volonté, c'est quand même le premier contributeur en termes de ligne de code et de contribution pure sur GitHub, sur la plateforme GitHub Microsoft. Oui, c'est d'ailleurs le même, peut-être un des trucs les plus justes comme même, c'est quelqu'un qui a dit le jour où, en fait, ils ont décidé de racheter GitHub, le jour où GitHub leur a envoyé la facture de tous leurs repos. Et oui, c'est peut-être d'ailleurs le truc le plus vrai. Quand ta facture est trop élevée, rachète ton partenaire, quoi. Surtout quand t'as les moyens de le faire. Mais d'ailleurs, tiens, j'ai une petite question avec vous, parce que lors d'un précédent numéro, il y a fort fort longtemps, on se posait la question de est-ce que Docker était mort, vive Docker, et on se demandait ce que ça allait en venir, surtout avec les départs de Petazzoni et de le cofondateur Salomon. Et du coup, il y a quand même un fort rapprochement, c'est que Microsoft a vachement travaillé avec les conteneurs pour faire même les conteneurs Windows-based. Est-ce que vous pensez que Docker risque de se faire racheter par Microsoft dans les quelques années à venir? Enfin, c'est clairement la piste la plus envisageable possible, ou Google. Mais après, c'est compliqué, sachant que Google a sorti tous ses derniers projets de son non-Docker-based container. J'ai oublié le nom, on en a parlé dans le dernier Gvisor. Exactement, merci. Et je sais pas. Là, Docker est plutôt dans une passe, surtout avec l'arrivée de CRI, qui fait que, en fait, les gens auront de moins en moins besoin d'eux, en fait. Ils sont vraiment, c'est une passe compliquée, parce que je pense qu'en effet, l'objectif de Docker, c'est de se faire racheter, clairement. Enfin, ils n'ont pas d'existence. Enfin, je vois pas quel service ils peuvent apporter, en plus d'avoir sorti la solution technique Docker. Donc, d'un point de vue business, c'est un peu compliqué. Mais peut-être qu'il est déjà trop tard pour eux pour être rachetés. Donc, s'ils sont rachetés, je ne sais pas quelle forme ça pourra prendre. Après, ils ont un capital image extrêmement important. Ouais. GitHub, c'est aussi ça qui est racheté. On avait comptabilisé, c'est à peu près $250 par utilisateur, en comptant même les utilisateurs inactifs. C'est extrêmement cher par nombre d'utilisateurs. Et ça participe à une communauté, ça participe à une image. Microsoft... Enfin, ils vont fusionner aussi, oui, un point dont on n'a pas parlé, ils vont fusionner Atom et VS Code. Enfin, juste ça, quoi. Enfin, bon, la semaine où je suis passé à VS Code. Ouais, moi aussi, très, très grand partisan d'Atom. La semaine où je passe à VS Code, où je me décide à y passer. Donc voilà, faites attention, les prochains logiciels où je passe, vous allez mourir instantanément. Voilà, petite blague. C'est pour le cas de Docker, c'est une très très bonne question. Est-ce que Microsoft est encore prêt à lâcher plein de bouzoux? Est-ce que ça a un intérêt, tout simplement? Parce qu'aujourd'hui, les technologies sont en train de migrer vers autre chose, qui exclut Docker. Donc, Tu t'as parlé de Docker Windows, et si jamais ils rachètent la technologie Docker et qu'ils arrivent à la faire maintenir pour garder un équilibre sur la plateforme Windows, c'est pas forcément plus mal, quoi, justement, parce que si jamais Docker s'arrête, qui va continuer à développer des outils open source? C'est ça. Peut-être que leur carte à jouer, c'est pas tant sur la technologie, ça va être sur les outils et sur juste la commande utilisateur qui appellera à ce moment-là plus forcément un démon Docker tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais qui appellerait d'autres primitives qui seraient directement intégrées au kernel type CRI et compagnie. Voilà, c'est déjà un peu le cas quand ils ont déjà commencé à tout segmenter avec Containerd, avec Run-C, etc. Ouais. Mais d'avoir cette command line que tous les développeurs connaissent, enfin, ou la plupart des développeurs connaissent, clairement, parler Containerd à un développeur à l'heure actuelle, je pense que c'est... Un peu tôt. c'est quasiment impossible. Faire comprendre même Run-C ou des choses comme ça, ça paraît très très compliqué. Par contre, la commande Docker, elle est compréhensible. Et l'intégrer à VS Code facilement, on pourrait très bien avoir quelque chose où on a VS Code qui est très bien intégré à GitHub, comme ils l'ont déjà annoncé. Ils vont intégrer GitHub de manière très poussée à VS Code, comme Atom l'est. Ouvrir des PR, commenter, faire de la review, des choses comme ça. Et en même temps, avoir peut-être à côté des parties plus dockerisées. Déjà, l'intégration dans VS Code, les plugins pour Docker Cube et compagnie, ils sont déjà vachement bien poussés. Hein. Oui, mais là, justement, on pourrait avoir quelque chose de vraiment tout intégré, avoir même quelque chose, si jamais demain Azure propose un peu à l'Amazon, dont on parlait en privé tout à l'heure, Fargate, c'est-à-dire du conteneur as a service, on pourrait très bien avoir quelque chose où, en local sur ma machine, en 3-4 commandes dans mon IDE, j'ai un build automatique dans une plateforme, même plus besoin d'installer un Docker for je sais pas quoi, mais directement depuis ton IDE, t'aurais, à partir de ton code, enfin une intégration totale dans toute une boucle, et en fait, il rajoute la partie CI un peu, même si Docker est pas une CI, mais il pourrait rajouter cette partie build qui leur manque dans toute leur intégration Azure pour le moment. Donc ça pourrait être un move intéressant. Après, tout le problème, c'est le prix, à mon avis, enfin, parce que là, Docker a levé énormément d'argent aussi, donc c'est voilà. Là, pour le coup, on n'est pas dans le secret des dieux. Je vous le dis tout de suite, hein, pour vous qui nous écoutez, on n'a aucune information. Si jamais vous attendez là on fait que des suppositions là-dessus. D'ailleurs, si vous en avez, nous sommes preneurs. Voilà, en privé, vous nous le dites, et puis on achètera ou pas des actions en fonction. Délit d'initié. Non, on ne sait pas. On n'est pas initié. Mais ok, très bien. Eh ben, on va passer à la suite parce qu'on n'avait pas beaucoup d'autres news. C'est vrai que la RGPD. Peut-être. Alors, on ne va pas parler. Moi, juste pas de la RGPD, mais là, la news est tombée aujourd'hui. On a un peu réagi dessus sans trop en parler. C'est quand même la CNIL qui inflige une amende record sur Optical Center, c'est ça. Exactement. Parce que pour défaut de protection des données personnelles. Quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est un peu dans le move la protection des données, c'est pas les RGPD, mais moi je suis plutôt satisfait que y a un organisme public qui je vais pas dire qu'il fasse son boulot, parce qu'en fait ils font leur boulot, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils peuvent, ils lèvent des alertes, ils font des analyses, mais là c'est plutôt visible, c'est public et ça fait plaisir quoi. Est-ce que tu peux rappeler un peu juste très vite ce qui s'est passé? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que pour avoir lu l'article, des clients avaient accès à leurs factures et en travaillant un petit peu l'URL, enfin un petit peu en changeant un nombre dans l'URL, on pouvait avoir accès à des factures qui n'étaient pas les siennes, sur lesquelles il y avait des données personnelles qui apparaissaient. Donc c'est l'opticien qui avait Optical fait Center, la... ouais, voilà. Non, même l'opticien qui avait fait la commande. Voilà, il y avait toutes les données personnelles, l'adresse, numéro de téléphone, nom, prénom, et des fois même le numéro de sécurité sociale qui apparaissait sur ces factures-là. Donc la CNIL, en faisant son travail, a alerté, leur a dit, écoutez, il va falloir fixer ça. Ça n'a pas été fait, il y a une amende qui tombe. Ça paraît tout à fait logique et c'est normal. Et donc, donc quand on pourra dire la sécurité fait partie intégrante du business et on peut perdre de l'argent avec ça, donc il faut investir pour pas en perdre, on a peut-être enfin, alors même si l'amende, c'est une première et c'est pas forcément un truc extrêmement important, mais ça veut dire que c'est possible. C'est voilà, déjà... donc c'était un truc, faites attention à vos données, faites attention un petit peu à ce que vous faites et à la manière dont vous codez, parce que... Il y a des gens qui veillent sur les si libertés. Si vous êtes hacker, contectez la CNIL, non? C'est ouais, ça aussi. C'est ça, ouais. Devenez hacker, athlète à la CNIL. Non, mais prévenez la CNIL, peut-être il va y avoir ça. Soyez sympa. Et ok, super. Alors, on va passer maintenant à ce qu'on vous a dit dès le début. On vous avait parlé, du .scale. Donc, dans le dernier numéro, donc le numéro, le 7e, on était avec les gens de chez .conference, où ils nous ont parlé, qui nous ont parlé de l'organisation, en fait. On était à 2 mois de l'événement. Donc, maintenant, on y est. On est une semaine après. On n'a pas fait... Alors, peut-être la prochaine fois, d'ailleurs, on vous fera peut-être un petit numéro spécial au sein même de conférences avec des interviews, aussi bien des speakers que des gens qui parlent. Mais voilà, peut-être c'est encore... Et des partners. Et des partners, voilà. Mais on va en parler, là, justement. C'est tout ce qu'il y a le .scale. Donc, peut-être pour faire un petit résumé, donc c'était vendredi dernier, vendredi 1er juin, exactement, et 2018, si jamais des gens écoutent ça dans 10 ans. Voilà, on est en 2018. Ça se passait à Aubervilliers pour la première fois, dans une salle beaucoup plus grande qu'avant. Avant, c'était au Théâtre de Paris. Là, on était au Doc d'Aubervilliers, à mes souvenirs. Doc Pullman. Voilà, à Aubervilliers. Une grande salle, vraiment assez impressionnante. Ouais, quand très on a moderne. L'habitude, on a l'habitude de... Enfin, je sais pas ce que c'est, mais c'était pas un studio de cinéma ou de télévision. Si, ça ressemblait à ça, donc très haut. Très très grand, très vaste. En fait, ça pourrait paraître froid instantanément. Enfin, moi, c'était déjà l'impression que j'ai eu un peu peur de ça. Et en fait, très vite, il y a du monde qui arrive. En fait, on retrouve les mêmes têtes. Les partenaires sont là dans la première salle. Et puis surtout, la salle est d'un confort. Enfin, comparé au théâtre parisien, sans place pour les jambes, avec une chaleur à crever. Là, on a quelque chose qui est du cadre d'un congrès. C'est un congrès. Il n'y a pas le décorum, il n'y a pas les moulures, il n'y a pas les rideaux, il n'y a pas les petites loges sur le côté. Donc, il y a ce petit côté ancien et qui fait très, très parisien, qui n'est plus là. Mais c'est vrai qu'on gagne beaucoup en visibilité et puis en confort. Donc pour moi, c'est du tout bon et il faut continuer en tout cas comme ça. C'est pas si loin que ça, c'est à côté. Ouais, et puis ça, du coup, vu qu'on était plus dans du carré, ça avait un petit coup de jeunesse sur les Dotscale, parce que t'avais l'impression que c'était plus moderne. Ils ont fait aussi un très bon effort pour la décoration derrière de la scène, qui était très bien faite, je trouvais très jolie. Et ils ont aussi remis en place le concept qu'on avait évoqué avec Vincent, justement, qui était la proximité du public à la manière des têtes conférences. C'est-à-dire qu'au début, il y avait donc la salle avec les différents sièges, mais en plus... très près du speaker, ils avaient mis des fat boys et compagnie et des sièges hyper confort pour pouvoir vraiment entourer et être très proche du speaker. Et ça aussi, ça donnait un côté frais. C'est quand même assez perturbant parce qu'il y a quand même des gens, des fois des pointures de l'histoire, de même qui font partie de l'histoire de l'informatique qui parlent. Et on voit à leurs pieds, mais véritablement à leurs pieds, des gens qui sont limite en train de faire la sieste sur des fat boys. Donc c'est très perturbant. Alors peut-être que ça fait très ambiance Silicon Valley, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça quand il y a des gens très importants qui parlent, de voir des gens allongés à leurs pieds, quoi. Donc bon, c'est assez rigolo. Ouais, mais justement, moi je trouvais ça bien parce que il y a vraiment ce sentiment de proximité et ça démystifie plein de trucs en fait. En tout cas, c'était bien fait. Ouais. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. En plus, un point qui n'existait pas, c'est qu'il y a aussi une retransmission vidéo en direct de la salle, en fait. Donc, quand il y avait des conférences, on pouvait être dans la salle, notamment quand on avait des discussions avec les partenaires. C'est ça, dans et le hall, en fait. C'est... Voilà, dans le hall, on peut continuer de regarder la conférence sans déranger toute la salle si on veut discuter avec des gens, et sans non plus perdre de fil la conférence, et sans avoir de dérangement. C'est ça, j'ai trouvé ça. Très bon point pour discuter entre des amis, pour commenter en direct ou pour un petit peu, en effet, faire le tour des partners. Voilà, on va peut-être parler peut-être de ce qu'on a vu et après on pourra faire justement ça, comment on l'a ressenti dedans. Donc, qui dit Dotscale dit conférence sur l'escalabilité, si jamais les gens n'ont pas vu la référence dans Dotscale. Donc, pas mal de gens qui sont venus, internationaux et français également. Et le but, c'est vraiment de parler d'escalabilité d'un point de vue technique, mais pas que, vraiment sur même le management qu'il va y avoir derrière, ce qui doit être fait. Donc je vais vous demander à chacun, est-ce que vous avez un projet une conférence qui vous a particulièrement marqué, et après on pourra en discuter. Oui, alors moi dans les talks celui qui m'a le plus intéressé, on va dire, c'était le tout premier donné par David Gageot, qui en fait est désormais Google Cloud Advocate. Anciennement, il était en headquarters de Docker Paris et il était venu présenter l'intégration qu'ils font avec le projet Istio, avec le routeur proxy Envoy en dessous et puis tout l'écosystème, l'intégration dans Kube. Et il a aussi présenté Scaffold, Google Scaffold. Donc justement pour il travaille dessus, c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, il travaille dessus maintenant, pour justement permettre et faciliter le développement directement sur Kube. Et ne pas avoir ce fameux truc à deux vitesses où tu développes en local avec un Docker Compose et puis après tu dois faire plein d'ajustements pour essayer de déployer ça dans ton cube. Pour faire le petit clin d'œil au podcast. Donc ça, c'était vachement intéressant parce que c'est, typiquement là, pour le coup, un sujet tech du moment qui est sur notre quotidien. Et qu'est-ce que t'en as, est-ce qu'on peut commenter Istio, c'est ta... Istio. Moi, c'est vraiment la modernité du cloud que tu peux avoir chez toi. C'est-à-dire une modularité, une API, quelque chose qui est facilement accessible et en même temps qui met pas trop d'adhérence dans les projets, qui permet d'être autonome. Pour résumer, c'est un service mesh niveau qui monte jusqu'au niveau HTTP, au niveau 7, et qui permet d'interconnecter les nœuds entre eux directement. Et en fait, on a un sidecar, c'est-à-dire que l'application dans son pod va parler directement à son pod local. Et c'est lui après qui va faire le routing directement au bon service, va réussir à faire de la duplication pour du test sur une autre infra, va faire du blue-green, etc., etc. Il peut même faire de la terminaison SSL, la communication SSL entre les différents nœuds pour les protéger, etc. Ouais, alors vraiment, Istio, c'est un projet complet dans le sens où ce dont tu viens de parler, là, la partie vraiment technique qui est le sidecar, le proxy, l'injection d'erreur ou autre, ça c'est plutôt Envoy en fait, c'est ça la brique technique qui le fait. Et Istio en fait, c'est le projet autour qui glue tout ça avec justement un ingress controller où tu justement à partir de là tu peux définir toutes les propriétés dont tu as besoin dans le manifeste cube, et derrière qui va bien justement configurer le Istio partout. Et là, la flexibilité dont tu parlais, en effet, c'était tu peux avoir un ensemble de routeurs totalement méchés et que tu as une application qui parle à localhost et Banzai. Et surtout, c'est que ça apporte. Donc tout ça, ce sont des features que t'es pas obligé d'activer, tu peux l'utiliser très simplement comme un petit proxy local pour abstraire l'infrastructure et les adresses de TDB, mais en même temps t'as aussi plein de fonctionnalités pour pouvoir tester la robustesse de ton appli après, ouais. Donc ça c'est plutôt bien, c'est une flexibilité impressionnante. D'ailleurs c'est, enfin là on vous avez beaucoup abordé la technique, mais lui-même dans sa présentation a dit déjà un, il n'aimait pas le terme service mesh, donc ce qui est plutôt cocasse, et de deux, c'est pas les enfin, il n'est pas du tout rentré dans la technique. Ce qu'il a mis en avant, c'est le graphe de dépendance de ses applications, c'est l'observabilité de ses applications, et c'est éventuellement même, ou est-ce que tu disais, un petit peu la capacité à débugger et à comprendre ce qui se passe dans les microservices. Oui, parce que clairement, directement, voilà. Cube, quoi. C'est même pas ça, c'est en utilisant les outils, pas Scaffold, mais pour le déploiement, mais... ces outils, les outils associés à Istio, qui permettent, par exemple, il montrait, de générer un graphe de dépendance, vraiment un graphe, un PNG, directement avec les différents calls, ressources, le temps de latence moyen, enfin ce genre de choses-là, qui sont disponibles simplement et qui sont aussi exportables vers des sondes. Sachant que, oui, si on doit résumer vite fait le talk, en fait, ouais. Ils présentaient un exemple d'application avec, je ne sais plus, 4 ou 5 microservices imbriqués, et le but était de montrer comment on peut débugger à chacune des étapes grâce à Istio, et d'avoir donc ce graphe, savoir quel est le microservice, parle avec tel autre microservice et lesquels sont mis en relation. D'où le graphe de dépendance dont tu parlais, qui est clairement appliqué dans le cas des microservices. Ouais, mais l'autre truc pour moi qui m'a vraiment tué, c'est le côté professionnalisme et rigueur, c'était pouvoir dire bon bah voilà, il y a une partie seulement du service qu'on va appliquer, où on va lancer ce genre de débugage, le reste des clients ne voit absolument rien, moi, il n'y a que moi en interne qui suis capable d'accéder à cette instance reconfigurée mais à la volée. Grâce à des headers, notamment des headers HTTP. Qu'on peut redéployer une nouvelle version de l'application, mais que justement le routing via Istio permet de dire moi je peux tester ma nouvelle version de l'application et puis très vite shifter le reste des utilisateurs et sans les perturber. Et ça, c'est dingue. Donc voilà. Donc, je pense que de toute façon, on en discutera dans un Danton Cube parce que. J'ai plein de sujets là-dessus, un peu pas trop lesques, mais j'ai plein d'avis assez mitigés, enfin assez contradictoires sur Istio. Donc, on en parlera de manière plus en détail dans un Danton Cube qui viendra très prochainement. Mais voilà. Donc, de toute façon, toutes les conférences vont être disponibles en ligne, en vidéo. Donc là, on vous fait un petit patchwork de quelques conférences, mais vous pourrez aller les voir si jamais vous en intéressez, pour que vous puissiez comprendre exactement de quoi on discute, voilà, si jamais ça vous a donné envie. D'ailleurs, hier, ils ont annoncé que les photos étaient disponibles. Bon, ça sert pas à grand-chose, mais juste pour voir l'ambiance. En les passant très vite, ça fait une vidéo. Ouais. Non, mais vous pouvez voir, ouais, en effet, la scène et puis l'ambiance. Voilà. Et vous pourrez voir quand elles seront disponibles, les présentations. Ouais, ça devrait Bart, toi, est-ce que tu avais une conférence ? Moi, il y avait une conférence d'une personne, d'une femme dont j'ai complètement oublié le nom. Alors, on me la pointe du doigt, qui s'appelle Preeti Vajja. Peut-être que tu vas pouvoir dire son intitulé de poste, mon cher Xavier. Oui, elle est data scientist à Viacom. Voilà. Une société qui est dans les communications. Oui. Voilà, c'est énorme. Ok. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a présenté, en gros, un panel. En tout cas, elle a refait un petit topo sur la consistency des bases de données. Et... de la complexité, de comment ça marchait, comment on pouvait la choisir. Donc, et notamment, c'était pas ça ? Si, si, si. Si, si, donc je te vois regarder un peu de travers. Donc elle est repartie en disant quelles étaient les contraintes, notamment d'avoir une base de données qui est distribuée sur plusieurs sites. Donc, il y avait une map monde. Voilà, elle disait, voilà, il y a une consistency strong, une consistency pas strong, éventuelle consistency, mais bon, éventuelle. Et expliquer que quand on développait une application, c'était plutôt bien réalisé pour un truc qui durait 20 minutes, c'était assez accessible, et expliquer notamment quels étaient les choix, enfin, je m'en mêle un petit peu, mais quels étaient les choix à faire, et quelles étaient les conséquences au niveau de la donnée. Donc ça, c'était la première partie. La seconde partie, c'était, elle abordait les différents types de bases de données, en fait, parce que là, elle parlait notamment de bases de données SQL et éventuellement NoSQL, mais simple, et ensuite elle s'est mise à aborder, mais il n'y a pas que ce genre de type de base de données, il y a les bases de données graphes, il y a les bases de données orientées colonnes, et là, au niveau des choix, ça se multiplie, et elle a notamment fait un zoom sur les bases de données graphes, où elle a fait la distinction entre ce qu'on disait, les bases de données natives. Voilà. Donc les bases de données graphes qui sont en fait juste un moteur par-dessus des bases de données classiques. Relationnelles. Ou des bases de données qui sont, elles, qui ont un data model qui est purement graphe. Et qu'il fallait faire le distinguo entre les deux. J'ai trouvé sa présentation plutôt élégante parce qu'elle était concise, elle était ludique et vraiment compréhensive. Accessible, parce que au moins c'est des concepts qui sont pas forcément toujours, ils sont connus, ils sont pas inconnus, mais ça fait toujours du bien de les revoir, parce que c'est pas des concepts qui sont faciles sur le temps. Oui, et puis en plus c'est quelque chose, je sais pas, à l'école ou même dans très souvent les choix en fait ils sont très imposés, on a une base de données dans un coin, on l'utilise. Là vraiment ce qu'elle voulait dire c'était qu'en fonction du business, en fonction de qu'est-ce qu'on veut représenter et surtout ce qu'on veut requêter, c'est-à-dire quel est vraiment le business derrière qu'on veut faire. Elle peut donner les exemples des avions avec les hubs, etc. Comment on représente les vols qui vont aller d'un état... Enfin voilà, j'avoue, j'ai pas tout compris à la conférence. Alors, en même temps, j'écoutais pas forcément très bien, mais voilà ce que je vais retenir. Et si jamais vous la regardez, et même vous, c'est ça, vous avez un autre avis. Son exemple, fait, son fil d'Ariane, c'était notamment en effet de calculer ou en tout cas d'apporter une réponse au problème du voyageur de commerce, un truc comme ça, en tout cas de faire des vols d'avion, donc avec des destinations, avec des étapes, et elle représentait ça sous une forme classique SQL, sous une forme NoSQL, et éventuellement à la fin sous une forme base de données graph. Il se trouvait qu'en fonction de la réponse qu'on voulait apporter, certains modèles, certaines projections dans la technique de base de données qu'on utilisait étaient plus adaptées ou non. Voilà, donc c'était vraiment clair à regarder. Et c'est très bien de se poser la question, en fait. Voilà. Je pense que c'est quelque chose, regardez-la si vous vous lancez dans un projet, si jamais vous avez quelque chose à faire, c'est bien de peut-être avoir un petit pas en arrière et de regarder qu'est-ce qui serait peut-être plus intéressant. C'est ça, c'est avoir cette gymnastique, c'est le travail de gymnastique qui est intéressant, c'est posez-vous la question, même pour votre application simple, qui des fois va utiliser, un MongoDB ou une base de données SQL classique, un MariaDB. Posez-vous la question, est-ce que si je refactor, est-ce que je réutiliserai cette brique-là, ou maintenant que je sais comment tourne mon application, est-ce qu'un autre modèle serait pas plus adapté? Ce que je retiens, c'est vraiment ça, c'est que très souvent, finalement, dans notre milieu professionnel, on fait face à rationaliser ce qu'on fait ou investir sur les compétences qu'on a, sur comment on maintient telle base, et du coup, on se retrouve très souvent à avoir des contraintes techniques qu'on peut payer par la suite par rapport au développement de l'application. Alors que moi, ce que je retiens, c'est que pour une personne qui s'y connaissait justement vraiment bien, on peut vraiment lui donner le statut d'expert, elle militait quand même pour dire attention, prenez le temps de regarder votre projet et de prendre la technologie adéquate. Et parce que c'est très facile de faire du popo en voulant faire quelque chose à une techno qui n'est pas du tout pondue pour. Je ne citerai pas d'exemple, mais j'en ai fait plein où des gens qui veulent stocker des images dans une base orientée documents, mauvaise idée. C'est vrai. Elle était vraiment bien pour ça. Regardez-la, encore une fois, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, personnellement, j'avais plutôt... Enfin, je voulais parler sujet qui était en fait les distributions. En fait, donc on a Lucas Nussbaum, c'est ça, qui est venu nous présenter, donc qui fait partie du projet Debian, et qui est donc venu parler des distributions, en fait, et plus particulièrement du packaging dans les distributions. Son point, c'était que il a fait le parallèle avec le FOSDEM, sachant qu'on a fait un point sur le FOSDEM. C'est quelque chose je ne sais plus si on en a parlé à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est assez choquant. Il y a 2 ans au FOSDEM, il y avait deux rooms entières sur 2 jours qui parlaient des distributions. Cette année, c'était pas il y a 2 ans, c'était il y a 10 ans, je crois. Il y a 10 ans. Ouais, c'était il y a 10 ans. T'es sûr? Ouais, je j'avais vu 2016, 2017. Ah, non, non, c'était 2008 et 2018, ou un d'accord. peu comme ça. Non, alors c'est possible comme ça, mais en tout cas, il y avait une différence. Et c'est vrai qu'on le voit, cette année, la room de distribution était limitée à une journée. Trois conférences ou trucs comme ça. Enfin, dans une petite salle. Et donc, on voit qu'il y a une sorte de... Pas de désaffection, mais presque, en fait, des distributions. Mais même, en fait, je me souviens d'il y a 3 ans, quand les gens étaient venus présenter NixOS, avaient dit « Est-ce que la distribution est morte ?» Et en fait, là, tout tournait autour du packaging. Alors, c'est pas du troll, ce que je vais essayer de dire là. C'est en fait le fait que... c'est peut-être même plus un débat qui va en venir. Là, Lucas nous parlait du packaging et du fait que non, c'est peut-être simple à faire du packaging. Faut pas le voir comme quelque chose de compliqué. Le packaging Debian, il est complexe, mais il y a beaucoup de helpers qui sont là pour faciliter le travail des packagers et des mainteneurs. Et donc, il essayait de dire, voilà, non, vous avez encore besoin des paquets et voilà comment on les fait. N'en ayez pas peur, allez dedans. Puis il avait des citations, il citait quand même que dans les images Docker, il y avait encore ce système de paquets-là qui était actif. Si vous construisez une image, ça arrive de faire du apt get install. C'est systématique. Vous en avez besoin. Donc en fait, il était en train de nous dire, nous oubliez pas parce qu'on reste dans votre microcosme, microservice, containerisation et compagnie. On reste présent et vous avez besoin de nous. Donc... C'était presque un appel au secours, c'était un peu triste. Comme ça, ouais. C'était un peu triste parce que on sentait on avait l'impression qu'il n'était pas à sa place. C'était vraiment un gars du passé, mais qui nous disait vous avez encore besoin de nous et peut-être que vous le réalisez pas assez. Et ouais, c'était un peu bizarre. Surtout que c'était en début de journée, donc on était super attentifs, super dynamiques, et on tombe sur ce gars-là. Il y a une certaine Faut prendre du recul et faut essayer de dire qu'on en a toujours besoin. Alors, c'est assez spécial parce que, en fait, on a l'impression que le package est mort, mais vive le package, en fait. Enfin, là, c'était aussi la discussion qu'on avait un peu en off juste avant. Mais là, quand on voit le nombre de packages et de systèmes de semi-package qui apparaît, donc, moi, j'ai toujours considéré Docker comme un package d'artefact qui amène une application. C'est application-centric. Donc, elle amène une application qui doit fonctionner avec son écosystème, qui soit fait, oui, en effet, avec du Debian et avec des paquets type Debian, c'est sûr. Mais ça peut être aussi autre chose, Alpine, etc., etc. Il y en a beaucoup. Mais il y a maintenant même d'autres systèmes qui arrivent. On a Flatpak, on a les Snap qui arrivent. On a même le nouveau, alors là, je me souviens plus du nom, mais le systemd qui vient d'annoncer, Lennard qui a annoncé un nouveau système pareil pour faire des conteneurs légers en fait, mais au niveau seulement système, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas comme but de devenir une command line pour les utilisateurs, comme l'est plutôt Snap et Flatpak. Une plateforme applicative. Voilà, Snap et Flatpak, c'est pour être intégré dans des outils de la distribution pour pouvoir installer en un clic une application qui va marcher. GIMP, Slack, etc., etc. Et même des applications close source, des applications propriétaires qui vont être packagées, retenues et qui vont accès qu'à un set de données particulier. C'est aussi ça le but d'un Snap. Enfin, je connais plus Snap, donc je vais pouvoir en parler plus facilement, mais de pouvoir aussi packager des applications propriétaires. Parce que c'est là où Debian, malheureusement, n'atteint pas avec ces packages-là, cette solution. On ne peut difficilement, dans Debian, packager des logiciels close source, puisque Debian ne propose que des outils open source qui peuvent être rebuildés. Là, avec Snap, l'avantage, c'est qu'une société comme Valve peut proposer un Steam qui va marcher sur toutes les plateformes Linux. Slack propose son application, même si c'est de l'Electron, c'est une application quand même close source, elle le propose dans un Snap, et ça va marcher quelles que soient les versions de la libcurl, etc. Et la libcurl, c'est pas sans rien que je dis ça, parce que dernière version de libcurl fait que Slack, on peut plus l'installer sur les Ubuntu 18.4, c'est vraiment à raison que j'ai dit ça. Donc en fait, c'est assez marrant, c'est peut-être, enfin, moi j'ai plus l'impression que c'est le roi est mort, vive le roi. Il n'y avait pas ce triomphalisme. Voilà, malheureusement c'est ça, et c'est pour ça que moi je vais plutôt le dire, je vais plutôt l'amener comme ça. C'est oui, peut-être les paquets tels qu'on l'avait l'habitude avec des frozen, et on a souvent parlé de ces frozen de code, enfin des paquets, est peut-être mort, et je pense tant mieux. Ah oui. Arrivent maintenant des nouvelles formes de packaging qui commencent à apparaître. Voilà, ce système dans systemd pour pouvoir proposer des applications démons facilement à René, Snap pour les applications end user, et Debian et les paquets Debian qui restent encore tout à fait valides pour plein de choses en fait. Mais est-ce que on a besoin de packager en Debian toutes les applications NPM de la Terre? Bah... Par contre, il le présentait plutôt comme ça. Hein. Il disait, si vous voulez, vous pouvez rejoindre la team Debian Ruby qui wrap les Ruby Gems et qui permet de les intégrer au système. Ouais. C'était quand même... Enfin, c'était son but, je vais dans ton sens en mode, oui, en effet, finalement, c'est bien. Les systèmes de package sont pas morts, ils évoluent et dans le bon sens. Enfin, en tout cas, comme tu l'as présenté, c'est vraiment cool. Par contre, la présentation... de Lucas, elle était clairement orientée en mode « Venez, Debian, on a encore gravement besoin de vous, mais the old way ». Mais je pense que là, on aura une transition petit à petit avec les distributions qui vont s'occuper des paquets de base, core. On va pas recompiler GCC à chaque fois qu'on a besoin de faire un conteneur ou un snap, c'est assez... Ouais, mais tu vois, justement, vu que ça va être très orienté conteneur, moi, je vois très bien, enfin, j'imagine sans mal le fait que ce soit Alpine qui décolle, parce qu'elle est complètement prévue pour, donc c'est encore un système de package comme... traditionnel, hein, comme Debian et compagnie, mais qui est complètement focus pour faire des trucs légers et pour être justement utilisé dans les conteneurs. Et à côté de ça, il y a d'autres distribs avec le format RPM et Deb et compagnie. Là, par contre, c'est peut-être voué à diminuer. Face à SnapD et à d'autres. Jamais à disparaître, je pense que à diminuer dans le cadre de cette utilisation-là, ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup encore d'industries classiques qui tournent sur du CentOS, sur du Debian. Ça ne disparaîtra jamais. Et puis il y a des gens qui font du NixOS aussi et qui arrivent à faire leur arbre de dépendance facilement pour distribuer leur application, etc. Là, aussi. Je peux pas en parler trop parce que je ne connais pas exactement, mais... Mais il y a ça, donc moi vraiment c'est peut-être il y a une reconstruction, et peut-être ce talk là était plutôt pour expliquer une reconstruction en fait de ce monde de la distribution. C'est en fait, enfin, pour moi je le vois comme faisant partie d'une reconstruction. Peut-être là Lucas n'en avait peut-être pas encore conscience, et si tu nous écoutes, j'espère que tu le prends pas mal ce qu'on te dit, hein, c'est, il y a aucun problème là-dedans. Je trouve ça, moi, en tout cas, très bénéfique. Et en plus, je dis ça en étant quelqu'un qui a fait du developer et qui a même créé... Peut-être le seul de nous trois qui a vraiment packagé du Debian. J'en ai fait pas mal, et j'en ai fait beaucoup, et avec grand plaisir. Donc, je connais très bien les outils. Et j'étais d'ailleurs une des personnes qui dit très souvent le packaging Debian est moins compliqué que ce que vous imaginez. Mais ça reste quand même quelque chose qui est des fois trop lié à une distribution en particulier. Un point aussi qu'on n'a pas vu, et là je vais dans le futur, parce qu'on est quand même dans un DevOps, on parle quand même peut-être du futur, je rêverais d'atteindre un système où en fonction de l'usage de mes locales, de ma machine, je puisse recompiler avec les options de compilation adéquates pour ma machine pour... faire attention au compilateur. Est-ce que GCC est vraiment le mieux dans ce cas-là, ou est-ce que je peux aller sur du LLVM? Quelles sont les options de compilation que je peux faire, etc. Et j'aimerais voir demain un système de packaging. Alors ça pourrait être Debian, puisqu'on a les deb sources, potentiellement ça serait possible, ou un autre système, enfin, ou en fonction de l'usage, quand je vais récupérer un snap, voilà, en imaginant que je vais récupérer une application, et quand je sais que mon business tourne autour de cette application-là et que je vais en avoir une dépendance très très forte, et à la volée, je vais la recompiler pour mes machines, pour mon processeur très particulier, et pour avoir les meilleures options de compilation. Pour un exemple, si jamais je commence à faire du traitement d'image ou du traitement vidéo et que j'ai besoin d'un FFmpeg, et peut-être le recompiler avec les options natives processeur pour avoir profité de toutes les optimisations, et ça peut être quelque chose de vraiment très bénéfique. Et demain, je pense qu'on va commencer à avoir ces choses-là avec plusieurs niveaux, des conteneurs plus ou moins précis, plus ou moins adaptés, et on le voit déjà à l'heure actuelle, une application dans un conteneur peut être pour ARM64, peut être pour plein de choses, et voilà. Après, tu romps l'espèce de convention d'universalité du conteneur. Il est adapté à un hardware plutôt qu'à un autre. Et justement, en fait, c'est faux. Je pense vraiment que le conteneur n'est pas universel. Déjà, la plupart des conteneurs, en fait, c'est AMD64 Linux, mais il y a de l'ARM64, enfin, il y a des serveurs en production, Scaleway en propose, qui sont en ARM64. Donc justement, c'est peut-être ça, en fait, demain, on aura plus une hétérogénéité. On le voit de toute façon avec Spectre, Meltdown, etc. C'est peut-être que ces architectures ultra monolithes qui faisaient qu'une chose, tout le monde pensait que ça marchait et que ça marcherait toujours comme ça, peut-être que demain, on aura des choses un peu plus différentes et avec des conteneurs plus adaptés, et donc un packaging qui s'adapte à ça. Voilà. Moi, j'imagine même ça comme ça demain, et voilà, potentiellement on pourrait avoir des choses du genre. Voilà, un peu pour ouvrir. Bon, voilà. Donc là, on vous a parlé un peu donc, de trois présentations qui nous ont un peu tapé dans l'œil. Mais sachant que, en fait, on n'a pas passé tout notre temps en conférence, en fait, à écouter les talks, c'est que le Dotscale, c'est aussi donc, toute la partie partenaire, en fait. Et la partie des partenaires prend la moitié de la place, en fait. Hein, parce qu'on a la moitié qui est dédiée aux partenaires, au repas, au re-networking, l'autre partie aux conférences. Et donc, est-ce qu'on peut citer quelques partenaires qui étaient présents, même ce, pas pour faire la pub, mais ceux qu'on a vus Tu leur fais de la pub indirectement. Bah, il y avait Scaleway, il y avait Datadog, il y avait Criteo, c'était parmi les partenaires principaux. Hein. Scaleway, bien sponsorisé, ils nous ont même offert des glaces. C'est trop cool. Ils avaient exporté leur bureau, d'après ce qu'ils disaient. Ils avaient ramené les bornes, ouais, c'est les ça, bornes d'arcade. En fait, je pense qu'ils sont juste à côté. Et ils ont déplacé, en effet, leurs bornes d'arcade, leur baby-foot. Ils avaient plein de trucs. Il y avait même des tables de ping-pong en carton. Je trouvais ça génial. Réutéré et recyclable. Voilà, il y avait aussi HAProxy qui était présent. Là, il y avait WeScale. Il y avait Platform SH, je crois. Ou... Platform SH, exactement. Qui essayait de faire gagner une Saturn 5 en Lego. Et il fallait... on a été très très mauvais. Il fallait essayer de viser une cible avec un lanceur en mousse. Un truc pneumatique à main où il fallait envoyer des fusées sur la Lune. Et on a vraiment loupé. Et on a perdu la Saturn 5 en Lego, mais c'est un rêve, cette Saturn 5 en Lego. Il y avait aussi Aircall parmi les autres boîtes. Il y avait TEDS.tv et TEDS. Qui était très sympa. D'accord. Oui, et alors on m'a dit que ça se dit TIDS. TIDS. Moi je dis TEDS comme TEDS, ça. Mais quand on dit TEDS, bah, les auditeurs, ils comprendront que c'est TEADS. Voilà, TEDS. Qui font de la pub vidéo sur mobile. Ouais. Ah bon, c'est de la pub. Hein. Voilà. Ouais, mais c'est de la pub. Criteo, ouais. Je suis Criteo, je les aime bien. C'est alors, le corporatisme total là, mais voilà, donc moi je trouvais ça très très intéressant. En tout cas, on a pu parler énormément à la communauté. On voit très vite que c'est aussi un très petit monde, mais vraiment très très très très très très petit. On retrouve des têtes d'anciennes boîtes qui sont dans des nouvelles boîtes, qui sont aussi partenaires. C'est assez rigolo. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Enfin, n'hésitez pas à parler aussi aux gens. Enfin, c'est pour ça que en fait à la fin on a plus parler de temps à aller voir les partenaires, et c'est pour ça qu'on a passé pas mal de temps devant cet écran, en fait, à regarder les conférences, à pouvoir les commenter. Alors c'est vrai que nous, je sais pas si on est vraiment le meilleur public pour ce type de conférence, qu'on a pas arrêté de discuter, en fait. On doit être les chieurs de service quand on est dans une conférence, mais là au moins c'était bien, on était en dehors de l'espace avec les canapés, etc. Donc c'est vrai qu'on regardait la conférence sur un écran, mais on pouvait la commenter en direct entre nous pour pouvoir en dire ce qu'on en pensait, ce qu'on n'avait pas compris. Et je trouve ça aussi très intéressant, en fait. C'est bizarre, on a vécu en fait un peu la deux façons, parce que le matin on était dans la conférence, enfin dans les fauteuils, l'auditorium, hein. Dans l'auditorium, et après on l'a passé l'après-midi devant l'écran. On a vécu deux choses complètement différentes, en fait. J'ai trouvé ça très intéressant, deux manières de vivre la conférence. Donc, je sais pas ce que vous en pouvez en dire. Si, c'est très bien. Moi, par contre, ce que je voulais ajouter sur ça, c'est que pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter le précédent numéro de DevOps, c'est que Dotscale et les Dot conférences en général, c'est un format encore très particulier qui dénote des autres conférences auxquelles on peut avoir l'habitude de participer, dans le sens où il n'y a qu'une seule track. Il n'y a qu'une seule track, et donc il n'y a qu'une dizaine de talks. C'est, alors il y en a certains qui peuvent dire que c'est très limité, mais d'un autre côté, ce qui est super cool, c'est que, encore une fois, on l'a dit, les talks sont pas forcément... Ils peuvent être d'une très grande technicité, en même temps pas trop orientés sur certains produits. Il y a pas mal de choses qui sont de l'ordre justement de la culture G, comme pouvait le dire justement Barthélémy, avec les approches et les présentations des différentes bases de données. Il y avait aussi des gens comme Marc Shapiro, qui est quand même l'inventeur du concept du proxy. Je voulais en parler parce que c'était, mais je gardais ça à la fin. Moi, je trouve ça vraiment excellent et essentiel d'écouter ce genre de personnes. Alors, je pourrais pas parler de sa présentation parce que je sais que je l'ai bien apprécié, mais j'ai pas retenu grand chose. On la reverra. On la reverra. Là, on refait ce podcast une semaine après et sans avoir pu voir les vidéos. Surtout, on n'a pas pris de notes. Enfin, moi, pour ma part, j'ai pas pris de notes. Oui, mais la vidéo sera disponible. Justement, parce que tu vois, ce genre de talk, c'est typiquement le genre de truc où tu vas pas ressortir du talk en te disant ah super, j'ai un truc à tester, à mettre en application concrète dans ton quotidien, ton boulot. Mais par contre, c'est vraiment de l'ordre de la culture générale. Moi, je pense que ces personnes-là qui font partie de l'histoire vraiment d'Internet, l'histoire de l'informatique. les entendre parler et savoir qu'ils sont là et qu'ils continuent à prodiguer de l'information, à prodiguer du savoir et à partager ça, je pense qu'on se sent inclus dans cette histoire-là et on se dit, il y en aura d'autres, pourquoi pas moi, pourquoi pas mon pote, pourquoi pas quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'il faut les écouter et s'il y a bien une présentation qu'il faut regarder, c'est celle-là parce que ce gars-là, il fait partie de l'histoire et voilà, on vient pas de nulle part. C'est un gars. Sans vous teaser trop, c'était normalement en fait le thème du sujet du précédent DevOps qui aurait dû avoir lieu sur justement la culture dans l'informatique. Donc on l'avait mis sur meetup.com si jamais vous l'avez vu. C'est justement ça, sur l'éducation et la culture dans l'informatique. Et donc c'est très bien. Peut-être d'ailleurs en introduction au prochain numéro, j'espère qu'on fera avec... parlera de cette conférence. Vlad, regardez cette vidéo-là et déjà voilà, ça vous parlera un peu culture. Mais il y en a eu d'autres. Je me rappelle, je sais pas si c'était l'année dernière ou il y a deux ans, c'était l'inventeur du DNS qui a fait une présentation lors du Dataskale. Et ce gars-là, je l'ai vu parmi le public. Il était là cette année, mais juste, il n'a pas fait de présentation, mais il était encore là cette année. Et peut-être que j'ai pas vu encore les photos du Dataskale, mais peut-être que vous trouverez une photo en ninja qui a été prise de cette personne-là dont j'ai oublié le nom, mais je l'ai reconnu. Et voilà, encore une fois, il y a cette histoire de l'informatique qui existe, qui a fait qu'on est aujourd'hui, ce que la technologie est aujourd'hui, faut pas l'ignorer. Le Discovery DNS dans Consul est clairement pas nouveau. Enfin, c'est pas un concept récent. Et voilà, c'est ces personnes-là, il faut les écouter, il faut regarder leurs conférences et il faut s'en inspirer parce que il y a rien de plus inspirant que ces gens-là qui à 40 ans ont tout inventé, parce qu'ils partaient de rien. Super, enfin, vraiment très bien. Je pense que voilà, si jamais on vous a pas donné envie d'aller au Dataskale l'année prochaine, je comprends pas. On peut dire ce qu'on a moins aimé, non? On a le droit. Oui, on a le droit. On a dit beaucoup de plus. On restait dans la Startup Nation, il y a que du bien, etc. Non, tu veux. Bon, allez, vas-y, on a le droit de bâcher, on est des Français. Alors, on va juste quelques petites choses que moi j'ai moins appréciées. On va parler des présentations, parce qu'au niveau de l'organisation, je pense que tout était parfait. Il y a rien à dire. Moi j'ai mon hoodie, donc c'est bon. Il n'y avait pas de t-shirt cette année, alors l'année prochaine s'il vous plaît, donnez-nous des t-shirts. Ça fait 5 ans que je viens. Donc j'ai 3 t-shirts Dataskale, mais le troisième il s'abîme, alors si je pouvais en avoir un nouveau l'année prochaine, ça serait génial. Merci. Bien 5 fois tu auras un hoodie. Hein. L'année prochaine j'ai peut-être mon hoodie. Et bah voilà, tu n'as plus besoin de t-shirt, t'as le hoodie qui va bien. Donc voilà, les petits moins, il y a eu la présentation donc, de Bridget, qui est... pour moi, une personne assez importante. Je m'attendais à vraiment du lourd, à quelque chose de très inspirant ou de très pointu. Et il se trouve qu'elle a fait une présentation un peu bateau, j'ai envie de dire, sur la communication, sur le DevOps qui n'est pas de la magie, sur le fait qu'il faut se parler entre nous, il faut garder du lien, et c'est pas parce qu'on met des personnes ensemble que ça va marcher, enfin... J'ai rien appris, j'avais l'impression que même quelqu'un qui allait découvrir le DevOps, ou ce genre de choses-là, il allait rien apprendre. Donc, bon, il y avait peut-être une part de déception et une part de présentation, mais bon, j'ai été un petit peu déçu. Après, justement, t'as mis un jeu dedans, tu n'as rien appris, mais... Voilà, peut-être que c'est mon point de vue. Bon, il se trouve que c'est peut-être une des conférences que j'ai le moins appréciée. Pas forcément dire que c'était la moins bonne. C'est juste, moi, je l'ai moins bien appréciée. Tu t'attendais à plus. Voilà, c'est peut-être ça. Il y a une petite déception, c'est ça le problème. Si tu t'étais attendu à rien, t'aurais peut-être été plus... Avec des si, comme dirait le Delaf, on pourrait mettre plein de choses en bouteille. L'autre présentation, juste, c'est Paul Dix, qui, j'ai l'impression, c'est un peu Calimero. C'est un peu le monde du... la scalabilité pèse sur le poids de la scalabilité pèse sur toutes ses épaules. Et j'ai l'impression, pour avoir suivi quelques-unes de ses conférences, que c'est toujours un peu pareil. C'est pour lui, tout est difficile. Et depuis... Tu peux le dire, t'as une dent quand même. J'ai un peu une dent contre lui, en fait, parce que j'étais un grand fan de sa solution, InfluxDB. Et j'ai vécu, au moment où il était vraiment en alpha, bêta, et j'ai vécu sa décision de réserver la partie cluster de InfluxDB uniquement aux utilisateurs payants comme une petite trahison. Donc voilà, depuis, c'était il y a bien 4 ans, Depuis, je l'aime pas beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Mais je suis quand même ce qu'il raconte. Je suis abonné sur le GitHub d'InfluxDB. Je regarde les issues. Enfin, c'est quelque chose que je suis régulièrement. Et voilà, j'ai trouvé sa présentation encore une fois très axée sur oh là là, c'est difficile. Pareil, la même chose qu'il disait il y a 4 ans en disant oh là là, faire du cluster sur du TSDB, c'est difficile. Donc, je l'ai trouvé pas très. Alors, soit c'est. Et donc, bon, j'ai très vite décroché de sa présentation, hein, je vais le dire, parce que j'aime pas du tout son orientation et sa manière de présenter les problèmes. Mais je pense qu'il y a peut-être un autre axe, peut-être à creuser pour essayer de dynamiser ses projets et ses présentations. Mais c'est, encore une fois, c'est un avis personnel. Hein, voilà, je vais pas parler. Je suis pas quelqu'un qui est voué à être hyper objectif. C'est les deux choses, les petits moins que j'ai notés sur ces présentations. Je crois qu'il y a combien de présentations Il y en a 10, 11 8, 9, 10, 11, c'est ça. Voilà. C'était assez dense quand même sur la journée, hein. Ça s'enchaînait vite, les présentations duraient 20, 25 minutes avec les questions. C'est dur de rester concentré sur toute la journée. Bon, ça c'est... Et c'est aussi le jeu un peu... C'est le jeu de la journée, on sait qu'on va finir fatigué, surtout que c'est en anglais, donc si on n'a pas forcément des facilités en anglais, je ne pense pas que ça soit le cas chez nous, mais je me rappelle les années précédentes, des fois on finit vraiment lessivé à la fin de la journée. Mais c'est un bon lessivage. Ouais, c'est un bon lessivage, on est content. On est content d'être et en week-end. Et ça finit avec une bière. Voilà, c'est toujours sympa. Ouais, voilà, donc des petits moins, mais vraiment, à la fin de la journée, on est content, et c'est toujours des bons moments, que ça soit avec les présentations, ou avec les partenaires et les personnes qu'on rencontre, c'est vraiment, on passe des très très bons moments. Bon, voilà, enfin, je crois que nous, on n'a pas vraiment de moins, enfin, Xavier, non ? Non, j'ai pas beaucoup de moins, hein. Ça reste une conférence, hein. T'as toujours des sujets qui t'intéressent plus que d'autres, ou pas, donc... Non, j'ai pas de moins. On reviendra. Voilà. Et un point quand même, enfin vraiment, on l'avait cité, mais on va le remettre en exergue, c'est que le fait qu'il n'y ait qu'une seule track fait qu'on a tous vu la même chose, enfin plus ou moins, mais ça fait quelque chose dont on peut discuter beaucoup plus facilement que quand on va au FOSDEM et que bah une personne a attendu 45 minutes devant une salle et a réussi à regarder la journée et les autres sont allés ailleurs et donc on peut partager, mais on n'a pas vu la même chose. Donc, c'est deux types de partage différents et les deux sont... C'est sur un format plus court aussi. Oui, enfin... voilà. Mais en fait, dans un cas, on va partager ce qu'on a vu et donc on peut partager des bribes. Là, on va pouvoir partager, on va pouvoir commenter plus dans les détails et pouvoir débattre plus dans les détails comme on peut le faire là et même pendant, on le faisait pendant la conférence. En fait. Mmh. C'est ça qui était bien de pouvoir regarder tous la même chose. Ça voulait dire aussi qu'on pouvait commenter tous la même chose en même temps et on avait le même niveau d'information, plus ou moins. Donc voilà. Très juste. Moi, c'était un petit point qui est assez sympathique. C'est pour ça, venez aussi avec des collègues. Je pense que c'est un endroit, c'est seulement une journée. C'est pas très cher aussi, il faut le dire, par rapport à d'autres conférences qui existent dans notre secteur. C'est clair, c'est même rien du tout. Venez amener vos collègues. Vous pouvez en plus avoir des bons de promotion de 20%, etc. Donc, même les autres éditions, il y a le .go qui va arriver, il y a le .js, je crois. Donc, il va y avoir... .ai. .ai était juste avant. C'était juste avant. Et juste on nous en a pas parlé parce qu'on n'y était pas. Donc, voilà, c'était le jeudi et .ai le vendredi et .scale le vendredi. Ouais, .sky le vendredi, je vais y arriver et donc voilà, c'est pour ça qu'on ne vous en a pas parlé, on n'y était pas, si des gens voilà, ils sont allés, je suis sûr que c'était très bien, mais voilà, nous on peut pas vous en parler, mais allez aux prochaines éditions si vous êtes intéressé par le .go, par le .js, et même des fois si vous ne faites pas du .js ou du .go, c'est seulement une journée, c'est pas forcément très cher, ça peut être très intéressant je pense de venir, même pour connaître un peu l'écosystème, savoir ce qui s'y passe. Une petite parenthèse sur le .go, je crois que je l'ai fait l'année dernière, ou il y a 2 ans, mais je crois que c'était l'année dernière. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi pointu, ça allait vraiment dans les détails du langage, de la gestion de la mémoire, enfin des trucs vraiment pointus, des trucs d'experts. Donc si vous êtes très intéressé par la théorie des langages ou même juste par le logo, la gestion des dépendances et plein d'autres choses, allez-y. Parce que après avoir raconté ce que j'avais vu et les présentations, les gens dans mon entreprise, ils ont fait « Ah ouais, quand même, j'aurais peut-être dû y aller ». Parce que eux, ils s'attendaient à une conférence un peu bateau, classique, et au final, ça a creusé très très loin dans les concepts, et ça aurait intéressé même des gens qui font du Java, parce qu'ils auraient pu faire des corollaires avec des concepts Java qui existent, hein, parce qu'au final, la gestion de la mémoire, c'est gérer de la mémoire. Mais allez-y, parce que il y a eu des très très bons échos l'année dernière. Voilà, donc on va passer, je pense que là on a à peu près fait le tour de tout le .scale. Un petit point dont on va parler très vite, c'est un point encore d'actualité. Voilà, on va finir avec une petite actu. C'est hier soir, donc on était mercredi 6, c'est ça, mercredi 6 juin, a eu lieu le premier meet-up SRE à Paris, donc hébergé... par Criteo, non, par People Doc. Ah non, mince, c'était pas celui-là. Non mais alors... Criteo, pourrait... c'était Infra. Ah zut. Et voilà, et non, on avait le vrai meet-up où il fallait être, The Place to Be, qui était le premier SRE meet-up. Donc on a pu parler du livre SRE, on a pu parler, donc on a eu des présentations de plusieurs entreprises pour nous dire comment se passe SRE chez eux. Donc, sachant que le livre SRE va avoir droit à une réédition avec des mises à jour cet été de la part de Google, avec des exemples, avec beaucoup plus d'illustrations, et voilà, il va falloir le lire parce que visiblement c'est un truc qui va... Mais je pense donc cet été il y aura une belle actu SRE, ouais, ça veut dire bah faudra peut-être qu'on en rediscute, on verra peut-être comment. Entre deux cocktails. Mais donc un petit truc sur juste pour vous tenir au courant là-dessus. Et je dis pas ça que parce que j'ai fait une conférence, parce que j'ai parlé de mon projet Kinky. Un lightning talk. Voilà, un lightning talk dessus. Il n'était pas enregistré, donc vous n'en verrez rien. C'était tout ce qui s'est passé au Meetup SRE reste au Meetup SRE. Mais juste pour vous tenir au courant de ça. Et voilà, et je pense qu'on en rediscutera parce que le sujet SRE est pour teaser un peu le sujet OpsRE. Obsereux, voilà, nous paraît assez important, et voilà, on vous en parlera un peu plus dans un prochain DevOps, et voilà, je pense qu'on peut terminer, on peut s'arrêter ici. Ouais. Je sais pas si vous avez un dernier mot l'un et l'autre. Non, bah merci aux organisateurs du DevOps, merci à mon entreprise qui m'a chaleureusement convié, invité et grassement... Au .scale, tu veux dire. Au .scale, j'ai dit quoi? T'as dit DevOps, merci. Ah, si, tu peux nous remercier. On se repasse de la pommade, c'est voilà. Grâce. Oh, j'adore. au .scale, évidemment, donc c'était vraiment très réussi, comme d'hab, on voilà, continuer et on continuera de venir et... Très bien. Et puis moi, des fois, on dit que je me présente pas. Et en fait, oui, je me suis encore pas présenté, donc je vais le faire à la fin. Donc, Guillaume Létron, et je suis maintenant freelance, fondateur de ma société Bar Pilot. Et donc, je fais des solutions. Donc, je suis freelance, donc j'aide les gens dans le monde du DevOps, SRE et Kubernetes, forcément. Alors, quelles sont tes missions au quotidien? Moi, c'est un peu tout. Enfin, je vais pouvoir aider au déploiement de Kube, mais enfin, c'est ce qui va plutôt m'intéresser. C'est un peu ce qu'on fait dans les podcasts, hein. C'est plus l'univers qu'il y a autour et comment on peut avoir un lien avec les développeurs et etc. Et aussi j'essaie de développer des opérateurs et des sujets, des projets, donc essayez de suivre pourquoi pas le GitHub, enfin tout ce que j'essaye de faire est open source, et n'hésitez pas à y contribuer, à y voir, à venir me parler si jamais vous avez des idées, quoi que ce soit, on peut essayer d'y réfléchir, c'est ça aussi l'intérêt d'être freelance, et donc un peu de liberté dans ce qu'on fait. Et si vous êtes freelance également et que vous avez envie de venir participer à une aventure ensemble sur des sujets comme ça, bah ça peut être très intéressant. Donc voilà. Voilà, c'était l'instant pub. Voilà, j'ai eu des fois des demandes, des gens qui m'ont demandé qu'est-ce que je faisais, et voilà, je parlais à chaque fois et je me présentais pas, je vous ai demandé à tous les deux. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc si vous êtes arrivé jusqu'à là, et ben vous savez ce que je fais. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté. Restez attentifs sur les réseaux. On va essayer d'en faire plus, promis. Mais là, voilà, c'était indépendant de notre volonté. Les deux derniers numéros ont dû être annulés sans qu'on puisse y faire quelque chose. Donc voilà, désolé encore. Et... Un beau mois de juin, du voilà. Beau temps, voilà. Du plaisir. Et plein de DevOps. Et du DevOps. Merci à tous. Bye bye. Bye. Bye.